Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusqu'à 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un très très très grand artiste. Et en plus de ça, l'album vient juste le 31 août de fêter ses 30 ans. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. De toute façon, les premières notes, vous allez reconnaître directement de quel artiste on va parler, de quel album on va parler aussi. Je lance directement la zik et on se retrouve tout de suite après. J'aurais même pas besoin de faire la présentation de cet artiste, à moins que vous avez séjourné pendant quelques paires d'années sur la planète Saturne. Yeah. Voilà, donc comme vous l'avez deviné, ben aujourd'hui on va vous parler de l'album Bad de Michael Jackson. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti le 31 août 1987 et il vient juste de fêter ses 30 ans, hein, quelques jours près, ben voilà. Donc j'ai décidé de vous parler de cet album phénoménal. Tout le monde parle de Thriller, d'Off the Wall, mais un album Bad est quand même très très très bon. Avant ça, ben, pour ceux qui ne connaissaient pas Michael Jackson, je vais vous juste faire un petit récapitulatif sur Michael Jackson et puis sur la famille Jackson et on enchaînera sur l'album Bad car il y a énormément de choses à dire. Michael Jackson, donc Michael Joseph Jackson, est né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana et mort le 25 juin 2009 à 50 ans à Los Angeles, Californie, et est un chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète, acteur et réalisateur américain. Le livre Guinness des records lui désigne comme étant l'artiste de variété le plus couronné du succès de tous les temps. Pour le Rock and Roll Hall of Fame, il est l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Septième d'une famille de 9 enfants, il chante avec ses frères à l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à l'âge de 11 ans au sein des Jackson 5, groupe formé avec ses frères aînés tout en restant membre du groupe. Il entame en 1971 une carrière solo. 7 de ses albums solo parus de son vivant figurent parmi les albums les plus vendu au monde. Off the Wall en 79, Thriller en 82, Bad en 87, Dangerous en 91, History en 95, Blood on the Dance Floor en 97 et Invincible en 2001. Dans les années 1980, il devient une figure majeure de la pop musique. Il conçoit notamment des clips musicaux comparables à des courts-métrages de cinéma comme Beat It, Billie Jean, Thriller, Bad ou Smooth Criminal. Au cours de ses concerts vidéo et apparitions publiques, il popularise de nombreux pas de danse, dont le moonwalk qui devient sa signature, ayant fusionné le genre de musique soul, funk et rock. Son style vocal et musical continue d'influencer nombre d'artistes de hip-hop, pop et R&B contemporaines. Surnommé le roi de la pop, The King of Pop, je tiens juste à préciser ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait il s'est surnommé lui-même le King of Pop. Il faut savoir que ça, c'est Elizabeth Taylor qui l'a surnommé comme ça et ça est resté. Michael Jackson a battu plusieurs records de l'industrie du disque pour l'ensemble de sa carrière, les ventes de ses singles et l'album s'élève à plus d'un milliard d'exemplaires, ce qui le classe parmi les trois plus gros vendeurs de disques de tous les temps avec les Beatles et Elvis Presley. Avec des estimations de vente variant entre 51 et 65 millions d'exemplaires, Thriller est l'album le plus vendu de l'histoire aux États-Unis. Il est le premier et le seul album à avoir été certifié 30 fois disque de platine par la RIAA, Recording Industry Association of America, qui représente alors la certification la plus élevée délivrée à un album par l'association. Le 1er février 2016, il est certifié 32 fois disque de platine. Michael Jackson a remporté plus de prix que n'importe quel autre chanteur. Et à la cérémonie des World Music Awards qui s'est tenue en 2000 à Monte Carlo sous le patronage du prince Albert II de Monaco, un Millennium Award lui est décerné dans la catégorie Best Selling Recording Artist of All Time, artiste ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Il a donné plus de 400 millions de dollars à des œuvres caritatives, notamment grâce à sa tournée Dangerous World Tour. Toutefois, son image publique a été ternie par certains aspects de sa vie privée, notamment ses recours à la chirurgie esthétique, son mode de vie jugé excentrique par la presse populaire, ainsi que deux plaintes pour abus sexuels sur mineurs, dont aucune ne débouche sur des condamnations. Ses deux mariages et ses trois enfants font également l'objet d'une polémique, notamment concernant sa paternité. En 2010, le FBI rend public le dossier de l'artiste dans lequel les autorités indiquent n'avoir trouvé aucun élément de nature à confronter les accusations du passé. Le 25 juin 2009, alors qu'il prépare sa tournée et la série de concerts This Is It qui doivent avoir lieu à Londres. Michael Jackson meurt avant son 51e anniversaire d'une overdose de médicaments le 7 novembre 2011. À l'issue d'un procès de 9 semaines, le docteur Conrad Murray, son médecin personnel, est reconnu coupable d'homicide involontaire à la cour supérieure de Los Angeles. Et oui. Voilà. Donc après, je vous parlerai un petit peu de la famille Jackson et après, on parlera de Bad. Donc, faut savoir que Bad, c'était vraiment la machine à tuer. C'est là aussi que Michael, après, a commencé à se produire. Hein, parce qu'à Thriller, il n'avait pas fait une tournée mondiale. Et là, sur le Bad Tour, il a fait une tournée mondiale. J'ai pu y assister. Je ne vais pas vous en parler parce que sinon, on en a pour toute la journée. Mais j'ai décidé, donc sur l'album Bad, il y a énormément de chansons inédites et aussi des chansons de la tournée Bad, extrait donc bien entendu des titres de l'album Bad. Et là, on va commencer avec un titre, The Another Part of Me, que vous retrouvez aussi sur le film Moonwalk et sur l'album Bad. Mais là, j'ai décidé de vous mettre l'enregistrement enregistré à Wembley. Taking over. Voilà, voilà. Donc c'était vraiment en live. Hein. C'est comme je m'y revois en 88 là, sur la plaine de Werther. Michael Jackson, Another Part of Me. Alors l'article sur la famille Jackson. Bah, Michael Jackson né le 29 août, comme je vous l'ai dit, en 58. Hein, et il est le septième enfant de neuf. Hein. Donc il est l'enfant de Joseph Jackson et de Catherine Esther Screws. La famille vit dans une petite maison pourvu de deux chambres seulement, dans la ville ouvrière de Gary, Indiana, dans le sud de Chicago. Le père, qui joue de la guitare dans un groupe de rhythm and blues appelé The Falcon, les Faucons, travaille comme simple ouvrier dans une aciérie, tandis que la mère élève ses enfants et travaille de temps en temps pour rapporter de l'argent au foyer, contre la volonté de son mari. Elle élève ses enfants dans la religion des Témoins de Jéhovah. Michael Jackson finira par quitter la secte en 1987. Joseph Jackson, enfin, quand on dit quitter la secte, je tiens juste aussi à préciser que c'est aussi dû au choc de Thriller qu'il avait déjà un peu déclenché parce qu'il avait fait venir des morts vivants et tout ça dans son clip. Ça l'avait déjà pas très très plu. Hein. Donc, Joseph Jackson est un père autoritaire et intransigeant. Il interdit, par exemple, à ses enfants de fumer ou de sortir le soir quand ils travaillent de nuit. Dans une interview réalisée par Martin Bashir en 2003, Michael Jackson raconte que son père les maltraitait physiquement et mentalement et se moquait souvent de l'apparence physique du petit Michael, qu'il appelait Big News, gros nez. L'enfant souffrait de multiples difficultés émotionnelles, cauchemars, troubles du sommeil, grande insatisfaction quant à son corps, comportement hyper docile et tendance à rester enfantin. Des difficultés compatibles avec des effets de maltraitance chronique que Michael Jackson a vécu en tant qu'enfant. Cependant, la musique est très présente dans la vie de la famille. Joseph joue de la guitare pendant que les enfants chantent. L'utilisation de sa guitare leur est normalement interdite, mais Tito en joue de temps en temps et lorsque son père est absent. Quand une corde est cassée, ce dernier menace ses enfants de les battre s'ils ne lui montrent pas qu'ils savent bien jouer. C'est ainsi qu'il réalise que Tito et ses frères ont un vrai talent. Il offre alors sa propre guitare à Tito et une basse à Jermaine, rejoint dès 1964 par Marlon et Michael. Ils forment le groupe baptisé The Jackson 5 sur proposition de l'un de leurs voisins. Michael en devient le chanteur principal grâce à sa voix plus mûre que son âge et son habileté à reproduire des pas de danse de James Brown. Voilà, donc là, le décor est planté, hein, il n'y a plus qu'à vous parler de l'album Bad, mais justement, il faut savoir que l'album Bad, comme je vous ai dit, est très très pharaonique. Vous allez en entendre des choses sur cet album que vous ne connaissez peut-être pas. Déjà là, on va commencer assez fort. Al Capone, et oui, Al Capone, vous pouvez regarder si vous avez l'album Bad chez vous. Vous ne le trouverez pas, sauf si vous avez des éditions vraiment spéciales. Al Capone est un titre qui devait figurer sur l'album Bad pour remplacer Smooth Criminal, mais il n'a pas été choisi. Donc voilà, on l'a remis au goût du jour il y a un peu de temps. Et le voici, le voilà pour vous, Al Capone de Michael Jackson. Spend my best and pull your knife. She's just a spider down his end. No one might. Je vous ai dit, vous allez en prendre plein les oreilles aujourd'hui. Donc là, c'était le titre Al Capone qui devait remplacer Smooth Criminal, mais n'a pas été choisi. Vous allez en savoir plein de choses. Alors donc l'album Bad est sorti le 31 août 1987. Il a été enregistré à Westlake Recording Studio à Los Angeles, en Californie. Et il dure 48 minutes 16. Il est considéré un genre de pop, dance pop, rock, funk et R&B. Les formats qui sont sortis, donc, c'est le CD, le vinyle, la cassette audio et aussi le mini disque produit par Quincy Jones et Michael Jackson sous le label Epix Records. Alors, Bad est le 7e album de Michael Jackson et son 3e album solo chez Epix Sony et est le 3e dernier album coproduit par Quincy Jones. C'est l'un des albums les plus vendus de l'histoire et celui qui contient le plus de morceaux classés numéro 1 dans le palmarès. Il a été classé 43e meilleur album de tous les temps par le MTV VH1 en 2009. Bad est également le titre d'une chanson de Michael Jackson dont le clip a été réalisé par Martin Scorsese et on voit même aussi Wesley Snipes dedans le clip. Voilà, c'était juste une petite chose en plus. La présentation, c'est donc Michael Jackson s'est plus impliqué dans Bad que dans Thriller. Il a composé plus de 70 chansons pour l'album, dont 9 sur 11 titres de l'album ont été sélectionnés pour figurer sur le disque. La photo de la pochette de l'album a été prise sur le tournage du clip Bad. Michael Jackson a essayé d'avoir une image plus agressive et plus proche de la rue que dans les précédents albums, poursuivant une évolution entamée avec le clip Beat It. Plus de 45 millions d'exemplaires de Bad se sont vendus à ce jour, ce qui en fait le 2e album le plus vendu de Michael Jackson entre Thriller et Dangerous, et l'un des albums le plus vendus au monde. Bad avec Teenage Dream et Katy Perry est l'un des deux albums contenant le plus de singles numéro 1 au Billboard Hot 100 au nombre de 5. I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror et Dirty Diana. L'album, donc le premier single de l'album Bad et Bad, donc puis fut I Just Can't Stop Loving You en duo avec Seda Garrett qui fait déjà fait des chœurs sur d'anciennes chansons de Michael Jackson. Cette chanteuse a d'ailleurs coécrit Man in the Mirror, chanson d'ouverture du film Moonwalk. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. La chanson Bad a été initialement destinée entre un duo entre avec Michael Jackson et Prince, mais ce dernier a décliné l'invitation, notamment gêné par les premiers vers de la chanson Your Bird is Mine. La chanson Just Got Friend réunit Michael Jackson et Stevie Wonder. C'est avec Speed Damon, l'une des deux seules chansons de l'album à ne pas avoir été publiée séparément en single. Le titre Speed Damon fut d'abord publié en tant que single promotionnel en format vinyle 7 pouces, notamment grâce à la popularité du film Moonwalker, dans lequel Michael Jackson se déguise en lapin à la sortie du single. Fut annulé par la suite. Dommage. Another Part of Me est le 6e single de l'album Bad, paru en juillet 1988. La chanson est tirée du film et attraction de Captain EO. Donc si vous avez eu l'occasion d'aller à Disneyland ou à Disney World, quand il y avait encore Captain EO, ça valait le coup quand même. Présenté dans les parcs donc, de Disney, Leave Me Alone est un titre bonus de l'album CD de Bad qui, lorsqu'il était sorti en 33 tours, vinyle et cassette audio, ne contenait pas ce titre qui figure parmi les chansons du film Moonwalk. C'est une façon pour CBS d'encourager l'achat d'un support CD qui n'avait pas encore pris son ampleur en 87. C'est Steve Steven, guitariste de Billy Idol, qui exécute les parties de guitare solo compris de Dirty Diana, titre écrit et composé par Michael Jackson. La célébrité de Smooth Criminal est principalement due à son clip mémorable dans lequel le chanteur exécute de nombreux pas de danse arborant pour la première fois un bandeau autour de son bras, ainsi que des sparadraps au bout de certains doigts. À noter que c'est son battement de cœur de l'artiste, donc de Michael, que l'on entend au début de ce titre et fait l'objet d'une reprise par le groupe Alien and Farm. L'édition 25e anniversaire, sortie en 2012, contient d'autres chansons inédites comme The Prince of Fame, Don't It Messing Around ou Al Capone qu'on vient d'écouter, qui est la première version de Smooth Criminal. J'arrête là pour l'instant, on va s'écouter un titre, on va s'écouter justement Speed Demon. C'est 95 FM. Backstage, les coulisses du son, en couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Et oui, vous écoutez Backstage aujourd'hui consacré donc au fameux album Pharaonic donc de Michael Jackson Bad, sorti en 87 et qui vient de fêter ses 30 ans. Alors, la promotion de l'album, hein, afin de promouvoir la sortie de l'album, Michael entame le Bad World Tour le 12 septembre 87, soit quelques jours après la sortie de l'album. La tournée sera la plus grande tournée de l'époque, réunissant plus de 4,4 millions de personnes à travers 123 concerts, c'est déjà pas mal. Hein. Les titres inédits et démos, ben, y en a énormément. Il existe de nombreux autres morceaux enregistrés lors de la session Bad de fin 85 à 87 qui ne figurent pas sur l'album, comme Cheater par exemple, qui a été par la suite publié sur un coffret The Ultimate Collection, la version soit américaine, soit européenne, ou soit japonaise. The Point of Fame, que Michael Jackson avait composé à l'occasion des photos de la nouvelle pub Pepsi en février 87. Groove of the Night, un duo avec Cedar Garrett, dont la basse sera utilisée pour l'album Kiss of Leaf de Cedar Garrett. Al Capone, Creek of Kill, qui est une collaboration avec les rappeurs de Run DMC, Toboy Hot Fever, Chicago et Buffalo Bill et bien d'autres. Je suppose que vous voulez aussi savoir des anecdotes, et ben on va vous en parler, des anecdotes de Michael et des propos, des inédits, des choses comme ça. Et tout ça, je vais vous le dire par après, mais là on va s'écouter donc un titre live de Jackson, hein, toujours extrait de l'album Bad, mais j'ai choisi de vous jouer de temps en temps du live. Et là, on va vous jouer tout simplement Dirty Diana. You never make mistakes, don't hang your weight off of me. I know your every move, so won't you tell me be. I've been here time before, I'm as too blind to see that you seduce every man, this time you won't seduce me. Just saying that's okay, hey baby, do what you please. I had the stuff that I want, I am the thing that you need. She looked me deep in the eye, she's touching me so to start. There's no turning back, she's stopping in a yard. Dirty Diana. In the band, she knows when they come to town. Every musician's fan, after the curtain come down, she waits at backstage door for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so happy. She's saying that's okay, hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing, I'll be the freak you can count. I don't care what you say, I wanna go too far. I'll be your everything if you make me a star. Dirty Diana. But I can't sleep in alone, why don't you come with me? I said my babies at home, she's finally worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm all yours tonight. I ran to the phone, saying baby I'm alright. But unlike a door, Voilà, donc là par contre ce n'est pas Steven à la guitare hein, en live, c'est bien entendu la ravissante Jennifer Batten. Alors dans les anecdotes, il y a Get in the Groove qui fut la première version du single Black or White qui à l'origine était prévue pour l'album Bad. We Are Change the World a été utilisé pour le film Captain EO. Someone Put Your Hand Out a été utilisé en 92 pour promouvoir la tournée de Michael Jackson. Il était distribué sur une cassette promotionnelle en Europe et sur un CD au Japon. Groove of the Midnight est en fait un extrait de quelques secondes dans laquelle on peut entendre Michael Jackson en studio en train de parler à son ingé son. Il fredonne également quelques mots, Girl Want to Groove. La chanson fut pour la suite interprétée et enregistrée par Seda Garrett pour son album Kiss of Life en 88. Toon Boy, il n'existe aucune trace de ce titre dans le catalogue de publication MJ. Il s'agit a priori d'une confusion avec Tom Boy. Le titre Come Together fut achevé pour le film Moonwalk, sorti en 1988, puis publié sur l'album History en 1995. Alors d'autres anecdotes, au niveau des paroles de la chanson Bad, certaines paroles comme Come On sont prononcées Shamon. C'est un clin d'œil de Michael Jackson à la chanteuse de blues Mavis Staples. Les battements du cœur ouvrant sur la chanson Smooth Criminal est celui de Michael, comme je vous le disais tout à l'heure, enregistré par le docteur Eric Chevelin au moyen d'un synclavier. Encore jeune acteur débutant, Wesley Snipes, comme je vous disais tout à l'heure, fait une apparition dans le clip Bad réalisé par Martin Scorsese, dans le rôle de Minimax. Malgré la qualité du morceau, le titre Cheater, composé par Michael Jackson et Greg Filligan, n'a pas été conservé par cet album. Dommage. Michael Jackson a souhaité faire un duo sur la chanson du clip Bad avec Prince, mais il a refusé. Dommage pour lui aussi, ça aurait été un bon duo quand même. Hein. Michael Jackson sort 9 singles sur un album, c'est un record. Bad est le deuxième album qui sera réédité avec des inédits et remixes pour les 25 ans, le 17 septembre 2012, sous le titre Bad 25 ans, 25. Le premier fut Thriller en 2008. Je vous parlerai un petit peu de la tournée après. Juste encore une petite anecdote. Pardon. Le titre Je ne veux pas la fin de nous est en fait la version française de I Just Can't Stop Loving You. Elle devait être utilisée lors de la sortie sortie en France de l'album Bad, mais la version avait été jugée trop moyenne. En effet, il est parfois difficile de comprendre les paroles. À noter que c'est la seule chanson où l'on peut entendre Michael Jackson chanter en français. Eh ben, moi je vous l'offre cette chanson. On va s'écouter, je ne veux pas entendre, je ne veux pas la fin de nous de Michael Jackson. Et oui, ça fait drôle quand même d'entendre quelques fredonnements français, parce que comme c'est assez compliqué, c'est « Je ne veux pas la fin de nous », version française donc de « I just can't stop loving you ». Ben, c'est vrai que c'était pas très très top, mais fallait oser quand même. Hein. C'est comme si nous, on vous demanderait d'aller chanter une chanson en anglais aux États-Unis et que vous ne savez pas péter un mot. Je vous donne le défi de le faire quand même. Alors, en 1987, Michael Jackson sort donc l'album Bad et part pour la première fois en tournée mondiale avec ses frères l'année suivante. Il sort un film réunissant plusieurs de ses clips Moonwalker, dans lequel il joue notamment avec Joe Pesci, Sean Lennon, fils de John Lennon, ainsi qu'une biographie intitulée Moonwalk. Moonwalker devient la vidéo musicale la plus vendue de tous les temps, battant ainsi son propre record The Making of Thriller pendant un certain temps. Bad a été le deuxième album le plus vendu. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc Bad est encore un énorme succès pour Jackson. Même si l'album n'atteint pas les chiffres ventes de Thriller, il contient néanmoins plus de numéros 1, donc je vous les ai dit tout à l'heure. Il y en a énormément. Michael est donc... il restera dans l'histoire de la musique. Il faut savoir aussi que les gens qui ont regardé et qui ont vu le film Moonwalk, il y a une grosse partie qui a été tournée dans son ranch à Neverland. Et c'est là, et je dis bien, et c'est là que Michael est tombé amoureux de cet endroit. C'est vrai que cet endroit est magnifique, on a eu l'occasion de le voir, et magnifique. Et a décidé de vouloir acquérir ce fameux range. Donc voilà. On va s'écouter la chanson Smooth Criminal que tout le monde connaît, mais on va écouter la version normale de Smooth Criminal. On the carpet, and then you're ready to. Voilà, donc c'était Smooth Criminal de Michael Jackson. Alors, quelques titres sur l'album. Hein, je vais vous donner les titres normaux. Hein. Bad, The Way You Make Me Feel, Speed Demon, Liberian Girl, Just Got Friend, Another Part of Me, Man on the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal, Leave Me Alone, ça c'était pour la version CD. Et l'édition spéciale 2001, ben, il y a Quincy Jones Interview, Streetwalker, Quincy Jones Interview 2, Todi Amores 2, parce qu'il y a aussi la version espagnole de I Just Can't Stop Loving You, Quincy Jones Interview 3, Spoken Intro de Fly Away et Fly Away. Nous, on va s'écouter un autre titre inédit avec Sun Groove. Voilà, le backstage touche tout doucement à sa fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Là, c'était le backstage consacré à Michael Jackson avec le Bad, tout simplement. Pourquoi ? 30 ans. Il est sorti le 31 août 87. On se quitte avec la version que j'affectionne le plus, Man in the Mirror, version live. Ciao et à bientôt. In my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar, worn my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I? Stars.